Le corona nous enfume-t-il? 8 questions d'éclaircissement. Je m'adresse une fois de plus à vous tous, où que vous soyez, dans tous les pays, même si je dois tout d'abord m'adresser plus précisément à nous, les Suisses. Bien sûr, il s'agit une fois de plus du Covid et plus précisément du durcissement des lois Covid. Il ne nous reste plus que 8 jours à nous, les Suisses, avant de voir si nous avons réussi à défendre notre liberté en Suisse ou si d'autres libertés et droits fondamentaux seront sacrifiés sur l'autel de la sournoise propagande mensongère. En tout cas, CLATV remercie tous les amoureux de la vérité du monde entier, pour qui aucun effort ni aucun sacrifice n'ont été trop grands jusqu'à présent, pour braver les vagues tempétueuses de cette incroyable vague de censure et de corruption. Durant des mois, des millions d'entre vous n'ont cessé de réclamer un débat public, avec ce que j'appellerais une maîtrise de soi et un amour exemplaire. Les médias de masse ont cependant préféré, une fois de plus, au lieu de remplir leur devoir d'information, vous dénigrer en vous traitant de covidiots, d'ennemis de la démocratie, de complotistes, de propagandistes de la haine, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez résisté avec succès à cette incitation incessante à la division et à la guerre civile. Je pense à la guerre civile voulue. Vraiment bravo, bravo. Je crois que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité avec une telle envergure mondiale. Et c'est précisément de ce fait que naît l'espoir des plus légitimes qu'un monde plus juste et meilleur est effectivement en train de naître, de se former. Car vous êtes bel et bien ce nouveau monde qui se manifeste justement ici. Vous êtes les lanceurs d'alerte qui tiennent ferme dans l'amour. Un mouvement d'une telle ampleur mondiale n'a-t-il jamais existé? Vous ne pouvez pas vous arrêter de dévoiler, parce que vous avez entendu les voix réprimées d'experts scientifiques renommés du plus haut niveau, opposés à la doxa officielle, et vous ne pouvez tout simplement pas accepter qu'on continue à les cacher au grand public. Oui, vous ne pouvez plus vous taire, parce que vous avez entendu les cris d'alarme des professeurs les plus éminents qui témoignent et ont témoigné d'un meurtre de masse à échelle mondiale et de bien d'autres choses encore se rapportant à toute l'histoire de la vaccination Covid. Je dois être bref aujourd'hui. C'est pourquoi je vous présente encore une fois quelques arguments sous forme de questions percutantes que vous pourrez adresser à tous ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi vous aussi, vous êtes si tenace dans ce combat. C'est une bonne occasion, en particulier pour nous les Suisses, d'amener à réfléchir nos amis et parents qui hésitent encore et peut-être de les convaincre à la dernière minute de déposer un nom clair dans les urnes le 28 novembre. Alors, confrontez-les, par exemple, à ce genre de questions. Je vous ai préparé 8 questions pour les convaincre. Premièrement, pourquoi ne nous souvenons-nous jamais que 96% des personnes atteintes du COVID-19 n'ont pas dû être hospitalisées? 96%, ce sont les chiffres d'une peste. Deuxièmement, pourquoi attisons-nous les craintes au sujet du risque de surpopulation des hôpitaux, alors que les lits dans les services de soins intensifs ont été réduits de 45% en 18 mois? Je me réfère ici à cette tromperie du nombre de lits. Troisièmement, pourquoi déclarer que le pass sanitaire est la seule mesure de santé valable dans le domaine de la santé publique, alors que les pays nordiques ont pu prouver exactement le contraire en levant toutes les restrictions? Quatrièmement, pourquoi le carnet de vaccination est-il délivré sans condition aux personnes vaccinées, alors qu'en cas d'infection, elles propagent le virus de la même manière que les personnes non vaccinées? Cinquièmement, pourquoi vouloir vacciner l'ensemble de la population alors que l'immunité collective ne peut plus être obtenue par la vaccination dans le cas du variant Delta qui prédomine? Sixièmement, pourquoi devrions-nous vacciner les enfants dont on a dit qu'ils ne sont pas en danger? Le principe de précaution, le respect de leur intégrité physique, qui est d'ailleurs garanti par la Constitution, ne devrait-il pas prévaloir? Septièmement, pourquoi imposer le pass sanitaire dans les hautes écoles et universités et désavantager les jeunes dans leur formation, alors que cette population n'est pas vraiment en danger, comme nous l'avons si souvent entendu? Huitièmement, pourquoi devrions-nous continuer à porter ces masques signalés comme dangereux, alors qu'une multitude de commissions d'enquête indépendantes a pu prouver de manière irréfutable que toute la pandémie du Covid n'est qu'une vaste escroquerie mondiale? À ce sujet, regardez l'émission en allemand du 18 novembre 2021, très instructive, avec le professeur Sukarit Bagdi. Des dizaines de preuves de ce type ont été fournies par CLA TV sous le hashtag coronavirus-du6fr. En ce qui concerne les masques faciaux, le professeur Michael Braungart, directeur scientifique de l'Institut de l'environnement de Hambourg, avait déjà lancé un avertissement il y a longtemps. Je voudrais le citer pour que cela revienne à l'esprit. Je le cite. Ce que nous mettons là, sur la bouche et le nez, ce sont en fait des déchets toxiques. Et il a ensuite expliqué sous quelle forme ces déchets spéciaux se trouvaient dans les masques. Thermoplastique, propylène, colle, liant, antioxydant, stabilisateur UV, hydrocarbures organiques volatiles, et ce dans les masques certifiés, bien entendu, de grandes quantités de formaldéhyde ou d'aniline. Puis ce professeur poursuit. Tout compte fait, nous portons devant le nez et la bouche un cocktail chimique dont la toxicité et les éventuels effets à long terme n'ont jamais été étudiés. Et comme la chimie seule ne semble pas suffire, il devient presque cynique, vous l'entendez? Nous respirons également des microparticules de fibres qui ont la taille exacte pour se fixer sur nos poumons ou continuer à se déplacer dans nos corps. Voilà pour la citation. L'obligation de porter un masque est donc, avec les émissions de CO2 de notre respiration, un poison pur et simple sur le visage imposé par la loi. Alors nous disons, stop, ça suffit. Je dois conclure. Pour finir, un mot sur le coût de ces masques. Encore une fois pour rappel, après que nos politiciens de tous les pays aient acheté pour des milliards d'euros de tels masques, souvent à leurs collègues, vous voyez, on nous dit que c'est l'État qui les a achetés. Mais personne d'autre que nous-mêmes, vous voyez, nous-mêmes, nous les avons achetés, et ce, avec l'argent de nos impôts. Ne l'oublions jamais. Mais maintenant, écoutez ce que fait notre bon gouvernement. Après que nos fonctionnaires aient acheté tous ces masques avec notre argent, ils nous les ont revendus. N'est-ce pas merveilleux? Vous comprenez? D'abord, ils nous font payer ces masques et ensuite, ils nous les revendent. Quand allons-nous enfin nous réveiller, tous ensemble? Et ce sont toujours ces grands entrepreneurs totalement privés qui encaissent les bénéfices et qui continuent à pousser cette pandémie par le biais de leurs relations politiques et médiatiques. Ils veulent gagner de l'argent, car ils ont pu faire tout ça parce qu'ils ont acheté la souveraineté des médias avec leurs énormes bénéfices. Vous voyez, en tant que Suisses, nous pouvons vraiment mettre des freins à cette dérive corrompue le 28 novembre, en disant clairement non au renforcement de la loi Covid. Ce n'est pas encore la victoire finale, mais c'est un pas important. En revanche, à l'échelle mondiale, il ne peut y avoir qu'une seule véritable solution à l'ensemble du problème de la pandémie. De quoi s'agit-il? Nous devons prendre une décision démocratique au niveau mondial. Un non majoritaire mondial à toute nouvelle dette publique de ce type, due à des pandémies criminelles qui n'en sont pas vraiment, avec tous ces confinements, etc. Un non clair à la maximisation des profits de milliards encaissés par les mafias pharmaceutiques et financières, qui profitent sans pitié de nos situations de détresse, et ce pour elles-mêmes. Pour étendre leur pouvoir et leurs profits, elles ont, je dirais, assez longtemps marché sur des montagnes de cadavres. Un non mondial est désormais nécessaire face à toute leur propagande mensongère continue, telle qu'elle a déjà été révélée des dizaines de milliers de fois. Nous devons leur réclamer les bénéfices escroqués en compensation des dommages causés à l'échelle mondiale, en tant que peuple uni démocratiquement. C'est le peuple démocratique uni qui parle. D'ailleurs, vous trouverez en bas du texte de l'émission un lien vers d'autres faits et chiffres percutants. Veuillez les télécharger, les diffuser, comme je le dis toujours, aussi loin que vous le pouvez. Profitez-en tant que vous le pouvez encore, car ce qui se joue ici ne concerne ni notre santé, ni la crise financière. Derrière ces deux composantes se cachent les aiguillons qui doivent pousser tous les peuples de cette terre vers une dictature mondiale unique, vers une surveillance totale. Une surveillance totale que même Orwell et Huxley avaient totalement sous-estimée. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 44 ans.